Laissons le Parlement faire son travail. Ce pays est bien malheureux. Il lui fallait un homme médiocre, un homme de bon sens. Il est tombé sur un homme de génie. Ou plutôt, sur un esprit aventureux, obstinant les yeux au ciel, confiant dans son étoile, sans daigner regarder à terre. Eh bien, vous avez touché terre maintenant, monsieur Jules Ferry. Nous sommes en 1885. Pendant quelques années, les députés ont supporté la tutelle de Jules Ferry parce qu'il construisait le socle de la Troisième République, loi après loi, mais il considérait qu'il était bien froid et trop autoritaire. Les parlementaires n'aiment jamais ceux qui prennent des airs supérieurs. En mars, entraînés par la fougue de Clémenceau qu'on vient d'entendre et qui siège alors à l'extrême gauche, ils ont sonné l'alali et renvoyé l'encombrant président du Conseil. Ferry est tombé rudement sur sa politique coloniale. Il avait dû annoncer un désastre, plus symbolique que réel d'ailleurs, pour nos troupes à Langson. François Hollande, le jour bien lointain de son investiture où il s'est incliné devant le monument Ferry des Tuileries, rendait hommage à son œuvre scolaire. Mais il y a un autre monument Ferry dans sa bonne ville de Saint-Dié. Il le représente en train d'établir le protectorat sur le Tonkin après l'avoir bâti en Tunisie. Ferry est biface. D'un côté, les hussards noirs dans les écoles de campagne. De l'autre, les fusiliers marins en Chine. C'est pourtant le même homme et la même France. En tout cas, au printemps 1885, ses successeurs au gouvernement reprennent aussitôt la politique des expéditions coloniales. Ils demandent maintenant des crédits pour aller jusqu'à Madagascar. De nouvelles chaudes séances ont lieu au Palais Bourbon. En juillet 1885, nous vous proposons la restitution que nous en avons faite au théâtre du Vieux Colombier avec les comédiens français. Les opposants aux aventures coloniales viennent de tous les bords. Ceux qui rêveraient qu'on libère plutôt l'Alsace-Lorraine, ceux qui calculent que le retour sur l'investissement aux colonies ne sera guère profitable à la métropole, et puis les anticolonialistes radicaux comme Clémenceau qui donne de la voix. On va voir que Ferry, redevenu simple député, a repris lui aussi du poil de la bête. La marche de l'histoire sur France Inter. Jean Lebrun. Didier Sandre sera Jules Ferry. Michel Villermoz sera Clémenceau. Et dans l'hémicycle, Michel Favori, Christian Blanc, Grégoire Roqueplot, Alexis Chevalier. La présidence de la Chambre est assurée par Henri Brisson. La parole est à monsieur Camille Pelletan, député des Bouches-du-Rhône. Le point du débat sur lequel il importe que la Chambre se prononce, c'est la question de savoir si vous voulez faire une conquête de plus. Oui, bravo. Nous avons vu toutes les expéditions lointaines, si modestes et si humbles, à leur début, s'étendre, grossir d'incident en incident, et loin d'être dirigées par les votes du Parlement ou par les plans du gouvernement, tirer et les ministres et les chambres à la remorque de toutes les surprises militaires qui se produisaient de l'autre côté du globe. Voulez-vous ou ne voulez-vous pas tenter une conquête ? Vous voulez donc l'abandon de Madagascar ? Il s'agit de savoir si, à une heure où la France est lasse, et plus que lasse des expéditions lointaines, à l'heure où votre budget demande grâce, où trop de sang a coulé, où le pays a besoin de reprendre sa liberté d'action, il s'agit de savoir si, à une pareille heure, la France, désirant éviter une expédition de Madagascar, est obligée de le faire. Soutenir que, parce qu'il y a eu une poignée de Français au XVIIe siècle, pendant 40 ans, sur un rivage de Madagascar, la République de 1885 est obligée, sous peine de honte, d'aller planter le drapeau tricolore, là où a flotté autrefois le drapeau fleur d'Elysée. Soutenir que c'est un devoir impérieux, ignoré, d'aller réveiller cette sorte de belle au bois dormant, ça n'est pas sérieux, ça ne se soutient pas. Ainsi, la question qui se pose est celle-ci. Voulez-vous affirmer, par votre vote, la politique des expéditions lointaines ? Voulez-vous mettre un terme aux aventures ? Monsieur Jules Ferry, député des Vosges, vous avez la parole. Messieurs, Il n'est point superflu d'échanger à cette tribune quelques éclaircissements sur cette politique coloniale si contestée, si combattue, et qui paraît devoir être dans les élections prochaines le champ de bataille de toutes les oppositions. Messieurs, je ne viens pas faire ici d'apologie personnelle. C'est dommage. C'est heureux, il ne manquerait plus que cela. Oui, que les ennemis et les amis se rassurent, telle n'est pas mon intention. J'ai prouvé, je crois, que je sais faire passer, avant le souci de ma défense personnelle, d'autres soucis et d'autres devoirs. La politique d'expansion coloniale est-elle, oui ou non, un système? Si l'on entend par là, je ne sais quelle passion d'étendre et de développer notre domaine colonial sans frein ni mesure, sans principe ni règle, poussé par je ne sais quel désir de bataille, d'aventure, de gloire facile, hein, messieurs. Ainsi conçu, la politique coloniale ne serait pas un système. Ce serait un simple acte de démence. Mais c'est bien cela. Et c'est bien ainsi que vous cherchez à la présenter au pays pour la lui rendre odieuse. Vous ne la lui présentez pas sous ses traits véritables, vous en faites simplement la caricature. Mais non. Messieurs, il n'y a jamais eu une pareille politique coloniale. Nous avons fait les expéditions que nous devions faire. Nous avons été conduits par la nécessité et par le droit. Au point de vue économique, pourquoi des colonies? Pour les nations qui ont un superflu de population. Comment superflu de population? Soit parce que cette population est pauvre, soit parce qu'elle se développe d'une façon exubérante. La forme première de la colonisation, c'est celle qui offre un asile et du travail au surcroît de population des pays pauvres, ou de ceux qui renferment une population exubérante. Mais il n'y a pas que cet intérêt dans la colonisation. Les colonies sont aussi, pour les pays riches, un placement de capitaux des plus avantageux. Pour les capitalistes! Eh oui, pour les capitalistes. Est-ce qu'il vous est indifférent, monsieur Brialou, que la somme des capitaux s'accroisse dans ce pays par des placements intelligents? Est-ce que ce n'est pas l'intérêt du travail que le capital soit abondant dans ce pays? Mais messieurs, il y a un autre côté plus important de cette question, la question coloniale. C'est pour les pays doués par la nature de leur industrie à une grande exportation, comme la nôtre, la question même des débouchés. La fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. Oui. Ce qui manque à notre grande industrie, ce qui lui manque de plus en plus, ce sont les débouchés. Pourquoi? Parce qu'à côté d'elle, l'Allemagne se couvre de barrières. Parce qu'au-delà de l'océan, les États-Unis d'Amérique sont devenus protectionnistes à outrance. Parce que ces grands marchés se rétrécissent, deviennent de plus en plus difficiles à atteindre par nos produits industriels. Parce que ces grands États commencent à verser sur nos propres marchés des produits qu'on n'y voyait pas autrefois. Ce n'est pas une vérité seulement pour l'agriculture. Aujourd'hui, la concurrence, la loi de l'offre et de la demande, la liberté des échanges, l'influence des spéculations, tout cela rayonne dans un cercle qui s'étend jusqu'aux extrémités du monde. C'est là une grande complication, une grande difficulté économique. Il n'y a rien de plus sérieux. Il n'y a pas de problème social plus grave. Or, ce programme est intimement lié à la politique coloniale. Est-ce que parce que cette question de politique coloniale s'est mêlée à des questions de polémique électorale... Nous nous plaçons plus haut, oui. Nous vous le prouvons. Par la force des choses, je n'en accuse personne. Les oppositions prennent leurs armes où elles peuvent. Il est très certain que le terrain de la politique coloniale est devenu l'arène de la lutte électorale. Est-ce qu'il n'y a pas 10 ans que nous avons commencé à combattre cette politique? Oui, monsieur Perrin, vous avez tout prévu. Je dis que ce n'est pas une raison pour rapetisser un si grand problème économique et social aux proportions d'une mesquine lutte entre les partis ou entre les nuances d'un même parti. Messieurs, Il y a un second ordre d'idées que je dois également aborder. C'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Il faut parler haut et vrai, il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Oh ! Vous osez dire cela dans le pays où ont été proclamés les droits de l'homme ? Si l'honorable M. Maine a raison, si la Déclaration des droits de l'homme a été écrite pour les Noirs de l'Afrique équatoriale, alors de quel droit allez-vous leur imposer les échanges, les trafics ? Ils ne vous appellent pas. Proposer et imposer sont choses fort différentes. Bon, je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Je dis que les races supérieures ont des devoirs. Allons donc ! Mais ces devoirs, messieurs, ont été souvent méconnus dans l'histoire des siècles précédents. Et certainement, quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'homme de race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté, de ce devoir supérieur de la civilisation. La France l'a toujours fait ! Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'ordre matériel et plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête ? Est-il possible de nier que dans l'Inde, il y a aujourd'hui infiniment plus de justice, d'ordre, de vertus publiques et privées depuis la conquête anglaise qu'auparavant ? C'est très douteux. Messieurs, dans l'Europe telle qu'elle est faite, dans cette concurrence de tant de rivaux que nous voyons grandir autour de nous, les uns par les perfectionnements militaires ou maritimes, les autres par le développement prodigieux d'une population incessamment croissante, dans un univers ainsi fait, la politique de recueillement ou d'abstention, c'est tout simplement le grand chemin de la décadence. Les nations, autant où nous sommes, ne sont grandes que par l'activité qu'elles développent. Ce n'est pas par le rayonnement pacifique des institutions qu'elles sont grandes à l'heure qu'il est. Nous nous en souviendrons, c'est l'apologie de la guerre. Ouais, bravo. Rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, en se tenant à l'écart de toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège toute expansion vers l'Afrique ou vers l'Orient, vivre de cette sorte pour une grande nation, croyez-le bien, c'est abdiquer. Et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, c'est descendre du premier rang au troisième ou au quatrième. Il faut que notre pays se mette en mesure de faire ce que font tous les autres. Et puisque la politique d'expansion coloniale est le mobile général qui emporte, à l'heure qu'il est, toutes les puissances européennes, il faut qu'il en prenne son parti. Autrement, il arrivera, oh, pas à nous qui ne verrons pas ces choses, mais à nos fils, à nos petits-fils. Il arrivera ce qui est advenu à d'autres nations qui ont joué un très grand rôle il y a 3 siècles et qui se trouvent aujourd'hui descendues au troisième ou au quatrième rang. Troisième. Aujourd'hui, la question est très bien posée. Le rejet des crédits qui vous sont soumis, c'est la politique d'abdication proclamée et décidée. Monsieur Émile Verne, député de l'Hérault, vous avez la parole. Depuis 1870, la plupart des ministères qui se sont succédés ont fait comme Napoléon III, qui, craignant les revendications de la liberté intérieure, allait jeter le trop-plein des idées au Mexique et dans d'autres expéditions. Eh bien, vous êtes de connivence. Vous pratiquez le même système, le grand axiome « diviser pour régner », qui a pour but d'éloigner les peuples qui sont disposés à revendiquer non seulement leur liberté, mais aussi ce qui est le fond de leurs entrailles, par exemple la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Cet axiome, Cet axiome, dis-je, a été mis en pratique plus que jamais à l'égard de la France. De même que Napoléon III cherchait une diversion aux idées de liberté par ses expéditions lointaines, de même la politique suivie par nos politiciens cherche une diversion dans l'expansion coloniale afin de faire oublier au peuple français qu'il a été vaincu. Ouais, bravo. Monsieur Georges Clemenceau, député de la Seine, vous avez la parole. Le pays n'a pas été consulté. On lui a systématiquement caché la vérité. On essaie maintenant d'accommoder les faits à une doctrine inventée pour les besoins de la cause. Race supérieure, race inférieure, c'est bientôt dit. Pour ma part, j'en rabasse singulièrement depuis que j'ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand. Depuis ce temps, je l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer « homme » ou « civilisation inférieure ». Bravo. Race inférieure. Les hindous, avec cette grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps, avec cette grande religion bouddhiste, avec cette grande efflorescence d'art dont nous voyons encore aujourd'hui les magnifiques vestiges. Race inférieure, les Chinois, avec cette civilisation dont les origines sont inconnues. Inférieure, Confucius. Je ne veux pas juger au fond la thèse qui a été apportée ici et qui n'est pas autre chose que la proclamation de la primauté de la force sur le droit. L'histoire de France depuis la Révolution est une vivante protestation contre cette inique prétention. C'est le génie même de la race française d'avoir compris que le problème de la civilisation était d'éliminer la violence des rapports des hommes entre eux dans une même société et de tendre à éliminer la violence des rapports des nations entre elles. Vous nous dites, voyez, lorsque les Européens se sont trouvés en contact avec des nations que vous appelez barbares et que je trouve très civilisées, n'y a-t-il pas eu plus grand développement de moralité, de vertu sociale ? Oui. Mais en êtes-vous bien sûr ? Regardez l'histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares, et vous y verrez la violence, tous les crimes déchaînés, l'oppression, le sang coulant à flot, et le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur. Voilà l'histoire de notre civilisation. Prenez-la où vous voudrez et quand vous voudrez, et vous verrez combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme. Je ne comprends pas que nous n'ayons pas été unanimes ici à nous lever d'un seul bond pour protester violemment contre nos paroles. Non, il n'y a pas de droit de nation dite supérieure contre les nations inférieures. Il y a la lutte pour la vie qui est une nécessité fatale et qu'à mesure que nous nous élevons dans la civilisation, nous devons contenir dans les limites de la justice et du droit. Mais n'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n'est pas le droit, c'en est la négation. On nous dit le recueillement, l'abstention, l'effacement, c'est la décadence, c'est la ruine. Il faut se répandre dans le monde, s'emparer de territoires. Voilà comment on peut devenir un grand peuple. Je commence par constater que c'est la première fois que l'on dit ouvertement ces choses. Oui, C'est la première fois qu'on recommande à un peuple, comme un système, les expéditions guerrières continues. Tous les gouvernements, quels qu'ils fussent, ont préconisé la paix. C'est la première fois qu'un homme qui a été à la tête d'un gouvernement vient rétrospectivement faire la théorie de sa politique et dire « Ma politique, c'est le rayonnement par la guerre. Ma politique, c'est une succession d'expéditions guerrières aux quatre coins du monde. Ma politique, c'est la guerre !» Mais vous poussez ma théorie aux derniers excès, monsieur Clémenceau, et vous en faites une caricature. Oh non ! Vous ne pouvez pas sortir de ce dilemme. Ou bien vous acceptez le rayonnement de l'activité pacifique et vous avez dit que non, ou bien l'activité que vous voulez déployer, vous voulez la porter dans la guerre. Eh bien, je dis que cette politique est une politique fausse lorsqu'on l'applique à la France actuelle. Je m'explique. Voyons la théorie de l'expansion de l'activité humaine. Si on la porte à cette tribune, elle ne trouvera pas de contradicteur, qui donc, en effet, voudrait dire « Non, je ne veux pas que mon pays s'étende, qu'il aille porter au loin ses arts, son commerce, son industrie. » Personne. Mais nous dirons, nous, que lorsqu'une nation a éprouvé de graves, de très graves revers en Europe, lorsque sa frontière a été entamée, il convient peut-être, avant de la lancer dans des conquêtes lointaines, de bien s'assurer qu'on a le pied solide chez soi et que le sol national ne tremble pas. Vous êtes en face d'un pays où se dressent les problèmes les plus graves pour une nation, à savoir comment vous pourrez organiser un gouvernement régulier fondé sur le principe de la liberté. Depuis 100 ans, tous nos gouvernements sont venus échouer contre la révolution. Réussirez-vous à régler l'évolution pacifique au grand bénéfice de tous ? Quelles seront les réformes à accomplir ? Dans quel sens nous efforcerons-nous de diriger l'activité nationale et l'éternelle question sociale qui gronde dans les ateliers ? Et vous trouvez là qu'il n'y a pas un domaine suffisant pour une ambition humaine ? Et que l'idée d'augmenter la somme de savoir dans notre pays et de développer le bien-être, d'accroître la liberté de droit, d'organiser la lutte contre l'ignorance, le vice, la misère, d'organiser un meilleur emploi des forces sociales, vous ne trouvez pas que tout cela puisse suffire à l'activité d'un homme politique ? En vérité, permettez-moi de vous dire que votre ambition est bien haute. Quand un homme d'État ose même regarder en face une pareille œuvre, lorsqu'il ne trouve rien à conseiller à une nation, sinon de partir en guerre aux quatre coins du monde, s'il ne comprend pas que la première condition du progrès qu'il veut servir, c'est la paix. S'il formule une doctrine de guerre, c'est peut-être un grand homme, dans le sens vulgaire du mot. Mais ce n'est pas un démocrate. Voyez-vous, ce pays est bien malheureux. Il lui fallait un homme médiocre, un homme de bon sens. Il est tombé sur un homme de génie. Oui, nous avons eu le malheur de tomber sur un homme de génie. Ou plutôt, sur un esprit aventureux, obstiné, marchant les yeux au ciel, confiant dans son étoile, sans daigner regarder à terre. Eh bien, vous avez touché terre maintenant, monsieur Jules Ferry. Regardez autour de vous. Regardez le suffrage universel. Regardez les élections qui se préparent. Quand vous vous retrouverez en face de vos électeurs, vous ne leur parlerez pas de politique extérieure. Non, ce n'est pas de guerre qu'il faut parler aux électeurs. Il faut leur parler de la paix, qui est la condition première du travail humain. Ces nouvelles couches sociales qui arrivent à la vie publique, pour agir sur elles, il faut leur parler un langage qu'elles comprennent, le langage de leurs intérêts légitimes, d'une meilleure répartition de la justice dans l'ordre économique et social. Il faut en même temps diriger leur regard vers un idéal. Ah, pas votre idéal sanglant, pas cet idéal de guerre perpétuelle de l'univers. Non, il faut leur parler de l'activité humaine plus libre, du droit humain agrandi. Il faut leur montrer en préparation dans le monde la grande paix républicaine. Bravo. Merci, Monsieur Ferry. Merci, Monsieur Clémenceau. Je vais procéder au scrutin sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'attribution de nouveaux crédits pour l'expédition de Madagascar. Mais avant, je voudrais vous proposer une petite expérience. Alors, nous sommes dans la salle du Vieux Colombier en 2014. Je mets à l'applaudimètre. Clémenceau pour. Pour Jules Ferry. Alors, de deux choses l'une, ou bien il faut faire comme le président de la République actuelle, diviser Didier Sandre, enfin je veux dire Jules Ferry, en deux. Il y a le bon Jules Ferry qu'on célèbre quand on est encore populaire, et puis il y a le mauvais Jules Ferry qu'il faut vouer aux gémonies, où il y a une unité de Jules Ferry, qui n'est peut-être pas l'homme de peu de qualité que dit Clémenceau. Parce que maintenant, je vais vous dire quel a été le résultat du scrutin en juillet 1885. Pour l'attribution de crédit à l'expédition de Madagascar, 277. Contre, 120. Donc, Georges Clémenceau n'a pu entraîner cette fois qu'une minorité à la Chambre des députés. Cette Chambre des députés était-elle composée d'hommes sans cœur et sans loi? C'était le même Jules Ferry qui avait réussi à faire adopter la loi sur l'instruction publique que Clémenceau ne défendait pas vraiment. C'est le même Jules Ferry qui avait obtenu en 1884 l'élection des maires au suffrage universel. Alors je vous laisse méditer sur cette question. Est-ce que nous ne sommes plus aussi sensibles que les contemporains à un certain discours sur la grande nation, ou bien est-ce que nous ne percevons plus la part de calcul qu'il y avait peut-être dans le discours de Georges Clémenceau? En tout cas, merci à vous tous, les comédiens du français Christian Blanc, Michel Favori, Michel Vuillermoz, Didier Sandre, saluez Grégoire Roqueplot et Alexis Chevalier, qui se sont joints à nous. Isor Pisani Ferry, j'ai bien dit, a établi les textes. Pour l'équipe de France Inter, Gérard Cognet, Patrick Muller, Alexandre James, à la réalisation Stéphane Ronxin. Pour l'équipe du Vieux Colombier, Christian Colombier, Samuel Maître, Pascal Guimerin, Paolo Rizzotti,